إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم dans le sens où Allah عز وجل dit et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues ceci est licite et ceci est illicite pour forger le mensonge contre Allah certes ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية مما قال ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد ريه وتشيه Dans le sens où Ibn Kathir dit en tafsir de ce verset que celui-ci concerne toute personne qui aura innové une chose en religion qui n'a aucune origine ou n'est légiférée, ou quelqu'un qui aura rendu autorisé ce que Allah aura rendu interdit, ou le contraire, qui aura rendu interdit ce que Allah aura autorisé, et cela se basant sur son avis et sur ses désirs. Quand l'imam Shinqiti, rahmallahu ta'ala, « Wa kana salaf as-salih, radiyallahu anhum, yatawarra'una an qawlihim hadha halal wa hadha haram, khawfan min hadhi al-ayat » Shankiti dans son tafsir Adwa al-Bayyan, il dit par rapport à ce verset également que les salafs, qu'Allah les agrée, faisaient preuve de wara. Le wara, c'est quoi le wara? C'est le fait de délaisser les choses. Yani ma yadur fil akhira. Qu'on ma yadur fil akhira. Les choses qui pourront tenir, yani fil akhira. C'est-à-dire cette chose-là en apparence dans cette dunya pourrait paraître halal, mais en réalité, elle est à proximité d'un haram. Elle peut être une passerelle qui t'amène au haram. Donc de là, ils ont délaissé cela. Pour mettre une barrière entre eux et le haram, pour ne pas tomber dedans, d'accord, ce qu'on appelle le wara. Et ils faisaient preuve de wara, d'accord, par rapport à ces versets-là, pour ne pas se permettre de dire que cela est halal et cela est haram, par peur de tomber dans ce qui est interdit, eux-mêmes, se basant sur ce genre de versets. Fa min huna, yani en cette époque, nous sommes éprouvés par des individus, un grand nombre d'entre eux, qui se mettent en avant. Yani pour se hasarder à vouloir répondre à beaucoup de questions sans être pour autant être qualifié. C'est-à-dire des fatawas qui ne sont pas de leur niveau, qui n'ont pas le mustawa ilmi, si jamais un niveau ils ont, et tu les trouves sur le net et via les réseaux sociaux, yani qui sont des procédés actuels, yani nouveaux qui permettent au premier venu de venir et de s'exprimer comme bon lui semble, en différents endroits du monde. Et le pire, c'est que tu en trouves parmi eux qui répondent à tout ce qu'ils leur ont posé comme question. C'est-à-dire, ce n'est pas de temps à autre. C'est, il leur vient une série de questions et ils répondent à toutes les questions qui leur viennent, ou presque toutes. Et cette chose-là, ce fait-là, était jugé comme étant de la folie chez les salafs. Radiallahu anhum. Kama ra'ahu al-imam ibn Abdelbar, dans son livre, Jami'a bayin al-ilm wa fadlihi, sur Ibn Mas'ud, qala, inna... من يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون وقال الأعمش فذكرت ذلك للحكم ابن عتيبة فقال لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي qu'il a dit quoi Ibn Mas'ud رضي الله عنه qu'il a dit que toute personne qui répond c'est-à-dire donne des avis juridiques sur tout ce qu'on lui demande il est fou c'est un fou Al-A'mash dit qu'il a cité cela à Al-Hakam ibn عتيبة et il a dit يعني Al-Hakam Si j'avais entendu cela de toi auparavant, je n'aurais jamais répondu à tout ce à quoi j'ai répondu. C'est-à-dire, cela lui a fait peur. Donc là, pour arriver au shahid, le but de cet audio, c'est pour parler de cet homme qui s'appelle Mohamed Al-Chalabi. Mohamed Al-Chalabi, qui est ce prédicateur actuellement, qui s'est principalement fait connaître et apprécié par son auditoire francophone, essentiellement constitué de awam, gens de la masse, et de nouveaux, de gens qui sont ignorants, d'accord ? Et quand on dit ignorant, c'est pas pour les critiquer ou quoi, c'est un fait. Des gens qui n'ont pas étudié ou réalisé les cas, et qui a cette fâcheuse tendance de répondre à toutes leurs questions, parfois durant des heures d'affilée, à la fin de ses douros, et ainsi de suite, des jours, séance spéciale, question-réponse, question-réponse, question-réponse. Et l'avantage que cet homme a, c'est qu'il parle français, et qu'il a des tests qu'il y a de gens qui sont attribués à la science, des gens qui lui disent que il est apte à ce qu'on profite de lui. Yani c'est un kalam général. Yani ce kalam-là ne veut pas dire que toutes questions-réponses qu'on peut avoir, on lui pose, mais les gens, les teskiya, ils savent pas qu'est-ce qu'une teskiya, et sur quoi on se base pour pouvoir prendre en compte une teskiya, et qui à la base, la teskiya est basée sur les actes, et non pas sur le dire des gens. D'accord ? Non. Donc, ces gens-là, malheureusement, ces suiveurs sont imaginés avoir trouvé enfin un shaykh mufti vers qui revenir, car ils sont soif de connaissances, car ils ont beaucoup de questions à poser, et malheureusement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'un savant, qu'est-ce qu'un mufti, qu'est-ce qu'un shaykh, yani apte. Et le premier venu qu'ils ont trouvé, ayant les critères en apparence selon leur vision des choses, ils se sont jetés sur lui et l'ont pris comme étant leur point de retour pour leur fatawa, et ainsi de suite. Il se peut que Chalabi dise que lui n'a jamais prétendu être un mufti. Mais nous, ce qu'on prend en compte, ce sont les faits et non pas les dires. D'accord ? D'abord, pour savoir ce, il faut savoir qu'est-ce que un mufti shar'an, fi shar'illah azza wa jal, comment les savants ont défini le mufti. Et là, on parle du mufti, je ne parle pas du mufti bihaq, c'est-à-dire le mufti qui mérite d'être mufti. Là, je parle de la définition de l'acte du mufti. Donc, dans le livre de Usul, Usul al-Fiqh, cette science qui apparemment, dans la biographie d'Ibn Chalabi, est citée comme étant parmi les choses qu'il a le plus étudiées, on trouve ce sujet-là dans les kutub de Usul al-Fiqh, dans Bab al-Mufti ou Mustafti. Cheikh al-Usaymin, dans son charh de Al-Usul bin Imam al-Usul, il cite la définition du mufti. Al-Ladhi yukhbir an hukmin shar'i. Celui qui informe d'un jugement légiféré. D'accord ? D'un jugement légiféré. C'est-à-dire que si Ami vient, tu poses une question à propos d'une chose liée à la religion, il te dit, ça c'est permis, mathalen, il donne le dalil, ça c'est interdit, il donne le dalil, il a fait une fatwa. Il a fait une fatwa. Car beaucoup de gens, des fois, aujourd'hui, veulent jouer les modestes, ils disent, moi je fais pas de fatwa, moi. On dit, Yahri, si quelqu'un vient te voir, un débutant, il te dit, Yahri, est-ce que mathalen, je suis obligé de faire l'ozo pour faire la salate ? Tu veux lui dire, oui, naam, évidemment. Quand même, comme a dit dans le hadith d'Abi Hurayra, Allah l'aqbal salat man ahdatha hatta yatawadda. Que Allah n'accepte pas la salat de celui qui n'est pas en état de purification, jusqu'à ce qu'il fasse l'ozo. Donc tu lui dis ça à cette personne-là. Tu lui dis, naam, tu es obligé de faire l'ozo pour la salat. Tu as fait une fatwa. Ce que tu as fait, ça s'appelle une fatwa. Tu l'as informé d'un jugement, d'un verdict juridique, yani dans la religion. Après, les fatawa, elles ont des niveaux différents. Il y a des fatawa qui touchent aux choses de base, aux choses de la purification, aux choses de l'habillement, aux choses du hajj, du ramadan, du siyam, aïd al-zalika. Et il y a des fatawa qui sont à la portée de beaucoup de gens et d'autres qui le sont moins. D'accord ? Et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, le mot fatwa en lui-même, il faut savoir le mettre dans son contexte. Donc là, je ne fais pas référence à la vision donnée dans les ta'arifs du mufti, comme chez certains salafs ont trouvé, qui disaient que personne ne peut faire de fatwa tant qu'il n'a pas avec lui au moins 100 000 ahadiths, 200 000 ahadiths. On n'est pas à ce stade-là, car les époques et les situations changent. Les ulémas de notre époque ne sont pas comme les ulémas de l'époque des salafs. D'accord ? C'est-à-dire qu'un alim à l'époque des salafs est bien plus haut, bien plus haut, bien plus haut qu'un alim de notre époque. Notre niveau d'ignorance aujourd'hui, malheureusement, a augmenté. D'accord ? Donc cela est une chose qui est variable. D'accord ? Une chose qui est variable, relative par rapport aux époques et au contexte. Donc là, Cheikh Al-Utsaimin, lui-même dit cela, lorsqu'il parle du Mustafti, « يَأْتِكَ رَجُلٌ يَقُلْ مَاذَا تَقُلْ فِي هَذَا حَلَلْ أَمْ حَرَامْ فَنَقُلْ هَذَا مُسْتَفْتِينَ فَتَقُلْ أَنْتَ حَرَامْ أَوْ حَلَلْ فَنُسَمِّكَ مُفْتِيًا فَنُسَمِّكَ مُفْتِيًا » Comme je viens de le dire, que Cheikh Al-Utsaimin, il le dit, celui qui vient te voir, qui te dit, est-ce que cela c'est halal ou c'est haram? Toi, tu lui réponds. Il a dit, à ce moment-là, tu étais un mufti. Tu as joué le rôle du mufti. Donc, des frères ont fait parvenir différents audios de ce Chalabi. Cela, ça fait un moment qu'on sait qu'il mérite un sérieux conseil sur ce point. Son tawassur et son tasaddur, c'est-à-dire le fait qu'il s'élargisse un petit peu trop et qu'il se mette un petit peu trop en avant dans le fait de répondre aux questions. Et comme je l'ai dit, beaucoup de ces questions ne sont pas de son niveau. Ils ne lui reviennent pas à lui. Il ne revient pas à lui de répondre à ce genre de questions. Et là, je précise que je me limite seulement au sujet des questions-réponses. Je ne parle pas de ces doros que je n'ai pas écoutés. D'accord ? Je parle là du sujet de Su'al wa Jawab qu'il donne. Donc, comme je dis, il suffit d'écouter que quelques-unes de ces fatawa pour se rendre compte que cet homme-là a un niveau très très faible. Il a un niveau très faible dans sa façon de répondre. Et que toute personne qui soit sensée et sagace et clairvoyante, ou même qui aurait peu d'acquis ilmiya, alors que dire de ceux qui ont l'opportunité de côtoyer les sites de ulama et des gens de science ou tamakkinin, ou d'écouter leurs audios, pour constater l'absence du nefes ilmi dans ses réponses, c'est-à-dire le souffle scientifique, il ne l'a pas. Surtout qu'il s'agit d'une personne d'un certain âge et que les gens ont qualifié comme étant un cheikh. Comme étant un cheikh. À savoir que le mot cheikh, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, ne veut pas forcément dire un alim, un savant. Un cheikh, ça peut être une personne. Déjà, ça dépend de quoi on parle. Des fois, un cheikh, ça peut être un homme âgé. Un cheikh, ça peut être un chef d'une tribu. Un cheikh, chez les Égyptiens, même, ça peut être un chien. Ils appellent un cheikh, genre, rouge à cheikh, ils parlent du chien. C'est une chose qui varie. Une chose qui est relative. Donc, ce n'est pas toute personne qu'on appelle cheikh, s'imaginer que c'est un savant. Et Chalabi, Al-Haqqan Yukol, ce n'est pas un savant, ce n'est pas un mujtahid. Les gens de l'ijtihad, il n'en fait pas partie. Donc, que les choses soient bien mises à leur place. Et que les gens comprennent bien les choses comme elles sont. Et on ne dit pas ça pour le dénigrer ou quoi, c'est une réalité. Et lui-même ne dira jamais je suis un alim. Akid Mia Bil Mia, lui-même ne dira jamais cela. Donc, de ce qui m'a apparu de ces questions, qui lui sont posées, plutôt de ces réponses qu'il accorde aux gens, c'est qu'on dirait que ces personnes-là se soucient plus d'accorder aux gens ce qu'ils souhaitent, de leur trouver une issue, quitte à s'opposer au adillah et faire du taqlid, ou de se servir des divergences dans les différents sujets. Sachant que la plupart des gens ont un gros penchant à vouloir suivre ce que leur dit que leur nefs. Wa qala ta'ala, inna nefs la ammaratun bisu. D'accord? Que l'âme est une grande incitatrice au mal. Et que les gens souvent ont penchant de suivre ce que leur nefs leur dicte. Donc, quitte à enfreindre l'ordre d'Allah Azzawajal. Malheureusement, ils ont souvent tendance à s'imaginer faussement que la réponse du mufti équivaut à un décret divin. Que lorsqu'un mufti a fait une fatwa, forcément, elle doit être appliquée. Et que Allah Azza wa Jal accorde cela. Par exemple, ils vont dire, tu vas voir une personne faire une chose qui est haram, il va te dire, moi j'ai demandé à un shir, il m'a dit que j'avais le droit. Ou moi shir me l'a autorisé. Ou moi shir a dit que dans mon cas c'était permis. Et kaza, et kaza, et kaza, ainsi de suite. Alors que souvent, ce n'est pas le cas. Donc les gens pensent qu'une fatwa qu'il leur est donnée leur permet de faire un interdit, même quand cela n'est pas le cas. Et là, il y a des cas, c'est vrai, on reconnaît qu'il y a des cas de darura, c'est une règle. Et darura tubih al-mahzurat, c'est marouf. Et des fois, il y a des cas spéciaux, d'accord? Mais ça, ces cas-là, souvent reviennent à un alim mutamakkin qui étudie ta situation, analyse et peut te dire, toi, dans ton cas-là, il t'est permis de faire telle et telle chose. Et ça, on ne revient pas à n'importe qui. On ne revient pas à n'importe qui. Et Chalabi ne fait pas partie de ces gens-là. Donc, malheureusement, beaucoup de gens cherchent des réponses qui vont dans le sens de leur désir, plutôt que de connaître le réel hukm shal'i, le réel hukm légiféré par rapport à leur situation. Comme a dit l'imam Ibn Baz, une fois dans son mouqir, j'ai pris juste le shahid de son kalam, parce qu'il dit « Amma wasiyati wa nasihati lil muftin, fa'alayna jami'an taqwa Allah wa an la nuftiya illa bima yuwafiq al-haq. وَنَحْذُرَ التَّسَاهُلْ وَالْمَيْلَ إِلَى أَهْوَى النَّاسِ فِيمَا يُرْدِيهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ أَكْثَرُهُمْ لَيُرْدِيهِمْ أَوْ لَيُرْدِيهِ إِلَى الْبَاطِلِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ وَأَنْ يَخَافَ اللَّهَ وَأَنْ يُرَاقِبَ اللَّهَ وَأَنْ لَا يُفْتِيَ إِلَّا بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّثَبُّتِ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْعِنَايَةِ وبعد مراجعة أهل العلم والاستعانة بما ذكروه في كتبهم حتى تكون الفتوى على بينة ولا بصيرة نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. Donc l'imam Ibn Baz رحمه الله تعالى, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce sujet? Il dit que mon conseil, ma recommandation pour celui qui fait des fatawa et pour nous tous de façon générale, de craindre Allah Azza wa Jal et de ne faire de fatawa que dans ce qui coordonne avec la vérité et que nous prenions garde d'être laxistes et de pencher vers les passions des gens et de ce qui leur fait plaisir. Car les gens, la plupart d'entre eux, n'agréent que le faux. Donc ce qui est obligatoire au mufti, qui craignent Allah, et qui les peur d'Allah Azzawajal, et qui sache que Allah Azzawajal le regarde, et le surveille, et qu'il ne donne comme réponse que ce qui apparaît comme étant pris de la parole d'Allah Azzawajal, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir vérifié, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une chose comprise, d'un hadith authentique, ou un hadith qui n'est pas abrogé, ou d'un hadith qui n'est pas, masalan, muqayyid, ou qui n'est pas, masalan, qui n'a pas reçu le tarsis, ou dans l'ahkam ou sous le fiqh. Donc il fait bien attention, et qu'il revient au jour de science, si lui n'est pas un mujtahid vraiment, ou parmi les anciens, il regarde dans leur livre que l'avis qu'il a donné est bien conforme aux règles et à la vérité. Et cela, avec la clairvoyance. Naam. Donc, je dis, on pourrait dire beaucoup de choses aux réponses que donne cet homme. Je n'ai pas tout écouté, mais j'ai reçu pas mal d'audio. Mais j'aimerais m'arrêter principalement sur certaines en particulier dans ce conseil que je donne. Et on peut dire également que c'est un rod à certaines de ses paroles. J'ai un autre jeune en particulier qui semble résumer un peu le fikr, l'idéologie sur laquelle se tient cet homme dans ses fatawa, qui démontre que certaines de ses paroles sont un réel danger pour ses suiveurs et ceux qui appliquent ses paroles et le prennent au sérieux. Donc il fut questionné. Allah Ta'ala vous préserve, cher. Je suis une sœur et je voudrais savoir si je pouvais aller au Maroc durant quelques semaines en avion, sachant que c'est mon père qui m'accompagne jusqu'à l'aéroport. Mais à l'arrivée, je vais chez ma tante qui vit toute seule car son mari est décédé. Et c'est elle qui m'attendra à l'aéroport, sachant que mon père ne souhaite vraiment pas y aller et cela depuis de nombreuses années. Et cela devient très pesant pour moi de rester qu'en France. Barakallahu fikoum, cher. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. À la réponse de cette question, je dirais, la plupart des savants interdisent ce qu'elle veut faire ici et disent que ça ne lui est pas permis. Reste quelques savants qui permettent cela, surtout si c'est, s'il y a un besoin, comme aller visiter sa mère qui est malade ou quelque chose comme ça. Et c'est dommage pour la sœur, car elle a posé la question à quelqu'un qui est d'avis que ce n'est pas permis. Donc pour moi, je dis, Inch'Allah Ta'ala, que pour moi ce n'est pas permis qu'elle aille et que ce n'est pas une obligation. Mais si elle a les moyens de demander à une autre personne, qu'elle le fasse, Inch'Allah Ta'ala, peut-être que la personne à laquelle elle va demander, peut-être qu'elle est de l'avis que c'est permis. En premier lieu, j'aimerais donner tout d'abord la réponse d'un vrai savant contemporain à une question similaire, afin que les gens puissent voir la différence entre ce qu'a dit Al-Chalabi et que se dit ce savant qui est chir, Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et là, je vais me limiter également au shahid de la réponse de shir al-Uthaymin. Je ne vais pas dire toute la réponse, juste la partie qui nous concerne. Et ça, c'est la fatwa numéro 53 dans Silsilat al-Liqa al-Shahri, dans Bab al-Manasik wa Wujub al-Hajj wa al-Umra. C'est-à-dire les questions par rapport au fait de faire le Hajj pour une femme sans mahram. Donc il fut interrogé au sujet d'un couple de personnes âgées. Ayant une servante, je lis directement en français également pour ne pas trop allonger l'audio, qui souhaite accomplir le Hajj, mais elle n'a pas de mahram avec elle. Et eux disent lui avoir trouvé un billet pour qu'elle puisse entreprendre ce voyage, c'est-à-dire pour se rendre au Hajj. Donc ils demandent, est-ce qu'ils ont commis un péché en cela, étant donné qu'à la base, cette personne, cette servante, s'est rendue auprès d'eux, déjà à la base, sans mahram. Et qu'il sera difficile par la suite de trouver une autre opportunité avec un mahram pour accomplir le Hajj. Donc elle voudrait le faire à ce moment-là. Donc le shir a répondu, Adama Yajouz, qui n'est pas permis à cette servante de partir sans mahram, même en étant accompagnée d'autres femmes. Bien que notre savant l'ait autorisé, si elle voyage en sécurité et accompagnée avec d'autres femmes. Cependant, lorsqu'on prend connaissance du hadith, c'est-à-dire là, il parle du dalil, du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yajouz imra'a, un tout safir, il est bidi mahram, qui n'est pas permis à une femme de voyager sans avoir un mahram. Et dans une autre version, présente chez Muslim, لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة كذا ويوم كذا وكذا إلا بذي محرم. C'est-à-dire qu'il a dans le hadith une autre version qui est venue, qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire que c'est shadid, c'est strict, c'est sévère, de faire un voyage si ce n'est avec un mahram. Donc de là, un homme parmi les sahaba a réagi en disant que sa femme était partie, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit que sa femme est partie pour se rendre au Hajj et que lui ne peut l'accompagner car elle était désignée comme soldat pour participer à telle et telle bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de délaisser cela et de partir rejoindre sa femme pour faire le hajj avec elle et l'accompagner. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas le hajj, c'est-à-dire le jihad, il était rendu sur lui obligatoire, il lui a dit de délaisser cela et de partir pour faire le hajj avec sa femme pour être un mahram pour elle. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas questionné en détail, est-ce que sa femme est accompagnée d'autres femmes, est-ce qu'elle est jeune, est-ce qu'elle est belle, ainsi de suite, comme des savants ont mis comme condition pour pouvoir permettre à la femme de voyager. Car il y a une règle, toujours ça c'est le kalam de Shir al-Uthaymin. Il y a une règle chez les savants dans les usuls qui dit « Tal que l'istifsal fi maqam al-ihtimal, yunazzal manzilat al-umum fi maqal » C'est-à-dire que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une situation, ne demande pas de détails, alors que ces détails peuvent être pris en compte, il donne une réponse générale directement, alors qu'il pourrait demander plus de détails, cela dit que sa réponse, elle est générale. Donc si lui n'a pas de demande de détails, nous, on n'a pas à le faire non plus. C'est-à-dire que la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe tout le monde. Englobe la femme qu'elle soit avec un groupe de femmes, qu'elle soit belle, qu'elle soit en sécurité lors de son voyage sans mahram ou quoi. Tout ça, c'est général qu'elle ne peut voyager si n'avec un mahram. Donc ça, c'est une règle importante à prendre en compte dans l'ifta et dans le stidlel, avec les ahadiths. Donc le shir, à la fin, il dit, c'est pour cela que je considère qu'il n'est pas autorisé de s'y rendre. Fin de la parole de Shir al-Othaymin. Et il a d'autres questions similaires, d'autres réponses, alors dans le même sens, et dans lesquelles il répond, il met les éventualités de la personne, de la femme qui prendrait l'avion. Il dit, et si elle prend l'avion, il pourrait arriver telle et telle chose, ainsi de suite, pour montrer que qu'il existe des situations où elle pourrait être en sécurité, et malgré cela, elle n'est pas à l'abri qu'il lui arrive un danger. Et au final, qu'est-ce qu'il dit, après avoir cité toutes ces probabilités? Il dit, et malgré cela, le texte, le nas, le hadith, il est clair, qu'on doit s'y tenir et suivre l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, la ijtihad ma'an nas. Lorsqu'on a un texte qui est clair, on n'a pas à faire d'ijtihad. Si le texte dit ne pas faire la chose, on ne cherche pas à savoir et comment, on ne fait pas la chose. D'accord? On ne fait pas la chose. Et après, il finit sa réponse en exhortant les muslims à craindre Allah azawajal et que les hommes ne doivent pas permettre à leurs femmes de voyager seules. Et ça, vous pouvez trouver cette réponse-là dans la cassette 318, dans les fatawas, dans Fatawa Nour al-Darb. Donc, la ijtihad ma'oujoud al-nas. Donc ça, on appelle ça une fatwa. D'accord? Il est informé d'un jugement légiféré. Et également, on a profité pour une nasiha. Naam. Pour revenir à Chalabi, par rapport à sa réponse à lui, on veut dire, que veut dire dommage? Lorsqu'il dit dommage pour cette sœur. C'est-à-dire quoi? Il est désolé, il est navré, il compatit pour elle, car il sait qu'elle aimerait entreprendre ce voyage et qu'il aimerait l'y aider, mais sa position l'y en empêche. D'accord? Donc si elle veut une autorisation, qu'elle a frappé à la mauvaise porte. Son calame, il revient à ça. Et bon, on dit à Chalabi, non, justement, ce n'est pas comme ça. Si jamais tu as pour croyance que cela est interdit, alors, hamdoulilah, réjouis-toi d'avoir été une cause, bifadlillahi ta'ala, pour avoir indiqué à cette sœur que ce qu'elle voudrait faire, cela n'est pas permis. D'accord? Et que tu as été une cause pour lui permettre de savoir et d'appliquer l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que cela te vaut la réussite, comme quand Allah ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْلُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit le vous, une communauté qui appelle au bien et qui ordonne le convenable et interdise le blâmable, et c'est ceux-là qui réussissent. Donc, alhamdoulilah, il n'y a pas de raison de dire dommage. Mais en l'écoutant, dans cette fatwa, ces termes employés laissent croire que, de ce qu'il dit, qu'un hukm shari'i, un jugement de légiféré, est basé en fonction de la réponse du mufti, et non du dalil. C'est-à-dire que si un tête te dit yajouz, tu peux prendre. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. Suivez ce qui vous est descendu de votre Seigneur et ne suivez pas d'alliés en dehors de lui. Et ne suivez pas d'autres alliés en dehors de lui. C'est-à-dire que toi tu dois suivre le dalil et non pas ce que un tel te dit une chose, ça ne veut pas dire que ce qu'il t'a dit est forcément vrai. Bien qu'à la base quand Allah Azza wa Jalla fasse elou al zikr in kuntum la ta'lamun et demande aux gens du rappel si vous ne savez pas. Naam. Et comme on le dit souvent, elle est zikr, c'est-à-dire ceux qui te donnent le dalil, zikr qui te rappelle la chose telle qu'elle est. Et donc, la parole du alim en lui-même n'est pas un dalil. Ce n'est pas lui qui rend les choses licites ou illicites. Lui, il te rappelle ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Mais le jugement vient d'Allah Azzawajal et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sa réponse, c'est comme si le but n'est pas de savoir quel est le hukm shari'i authentique, mais plutôt d'obtenir une autorisation. Un peu comme l'esprit de loterie. C'est-à-dire, tu cherches à trouver le bon numéro pour gagner le gros lot. يقول الشيخ الفوزان في أدب المفتي والمفتي في موقعه فتوى في سيت également il dit وكذلك من آداب المستفتي أن يقتصر على عالم واحد يسأل من يثق بدينه وعلمه ويقتصر على سؤاله ولا وجوابه ولا يذهب على فلان وفلان وفلان مثل ما يفعل بعض الناس. Donc il dit parmi le comportement du questionneur, d'accord, c'est qu'il se contente de la réponse d'un seul savant, de celui dont il a confiance en sa religion et en sa science, il se contente d'une question. Donc ça veut dire qu'il demande la question, mais avec science. Et pas simplement il demande comme ça. D'accord? Et il demande à un alim, quelqu'un qui sait qu'il a la science, qui est en mesure de répondre à sa question. Et il se contente de sa réponse, et il ne va pas demander à un tel, un tel, un tel par la suite, comme le font certaines personnes. Quand il fait بعض الناس يسأل العالم فإذا أجابه راح يسأله الثاني راح يسأل الثالث لأنه إما أنه يريد أن يتدرب أقوال العلماء وينشر هذا في الناس. Donc il dit car certaines personnes vont demander aux savants et si il a une réponse, après il va avoir un deuxième, puis un troisième, car lui c'est quoi son but? De pointer pour dire aux ulama pour pouvoir les frapper les unes contre les autres. Pour pouvoir dire, regarde, Cheikh Foulet dit telle chose, et un tel dit telle chose. C'est-à-dire, il veut faire une fitna entre les ulama. قال وإما أنه يريد أن يأتي الجواب على رغبته فإذا أجابه العالم على غير رغبته راح يسأل غيره لعله راح يسأله ويجد له طريق سهل يزعمه بهذا لا فهذا لا يجوز ويجيو également d'autres personnes et c'est ça le qu'on voudrait comme réponse. Ils ne veulent tout simplement une réponse qui correspond à leurs besoins, à leurs envies. Donc si jamais le premier alim donne une réponse qui ne convient pas, il le laisse, il va voir un deuxième en espérant trouver une réponse qui le facilite et qui lui accorde ce qu'il cherche. Qui lui accorde ce qu'il recherche. Comme l'a fait Al-Chalabi dans cette réponse. Donc cela amène à chercher les facilités et à trouver les autorisations des savants, et cela au détriment du dalil. Si là, le savant te donne une réponse qui correspond à ce que tu veux et que c'est ça la vérité, rose, bilachek, prends. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas le droit de le prendre. Et cette façon de faire, de chercher les autorisations des ulama dans chaque sujet, c'est une chose dont les savants ont mis en garde. Comme a dit Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, fi i'asa, قال عبد الله سمعت أبي يقول سمعت يحيى القطان يقول لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. Il dit que si jamais, après avoir cité une certaine chaîne de narration, Ibn Qattan dit, si une personne devait appliquer tout ce que les savants devaient, chaque savant autorisé, dans différents domaines, par exemple, les gens du Koufa, ils autorisent le nabiz, qui est une forme d'alcool, les gens de Medina, ils autorisent d'écouter les chansons, et que les gens de Mecca autorisent le mouta, qui est le mariage temporaire, ils deviendraient un fa'asir, c'est-à-dire ils prennent l'autorisation d'un tel dans tel domaine, un tel dans tel domaine, un tel dans tel domaine. Et il rapportait également le Qayyim que قال أحمد قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلت كل عالم اجتمع فيك الشر كله. Que Ahmed dit que Suleyman التيمي a dit, si jamais tu prenais l'autorisation de chaque savant dans chaque domaine ou dans chaque erreur de chaque savant, se réunirait en toi tout le mal. Tout le mal. Donc la religion, nam, din yusr, la religion elle est facile. Il y a cette fameuse qaïda, yani usuliya, an al mashaqqa tajlibu taysir. Ça c'est connu que la difficulté emmène la facilité. Mais cette règle, elle n'est pas appliquée selon nos désirs. Comme par exemple, on fait l'ikhwan et muslimoun en tombant dans le haram devant chaque chose qui fait un obstacle dans leur vie. Mathalen, il veut un travail, son travail, on dit que l'ihya, la bab, c'est pas permis, il se rase. Il dit, la religion c'est facile. Là, il fait din, il se rase directement. Ou il ne peut pas faire le salawat à l'heure à son travail. Il dit, il faut que je travaille, il faut que je nourrisse ma famille, khalas, je regroupe le salat le soir. Ou il voit que son travail il est dur, il ne peut pas jeûner, il dit il faut que je travaille pour ma famille, khalas. Elle dit yusr, je ne jeûne pas, j'ai le droit, c'est une daroura pour moi. Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kadhalik wa ma'anna wa laysa kullu khilaf yastaruhu ilayhi wa yu'tamad alayhi. Faman tatabba'a ma ikhtalafa fihi al-ulama wa akhadha bi rukhas min aqawilihim tasaddaqa aw kad. Il dit, on ne dit pas qu'il n'y a pas de khilaf dans les sujets, il y a des khilaf. Mais ce n'est pas tout khilaf qui est pris en compte. Et que celui qui suit tout ce que sur quoi les savants ont divergé, et qui prend l'autorisation de chaque savant dans leurs paroles, il deviendrait un zindiq, ou presque un zindiq. Un zindiq, c'est une forme de munafiq, une forme d'hypocrite. Qalat al-lajna al-da'ima, dans la question 20242, pareil, j'ai traduit pour ne pas trop allonger l'audio, ils sont interrogés, est-ce que le fait de prendre les autorisations en religion, cela est considéré comme étant du laxisme et de l'excès. Ils répondirent, le fait de prendre les autorisations dans la religion, si jamais il veut par là le fait de prendre ce qui est autorisé de façon légiférée, ce que Allah Azzawajal a autorisé et légiféré, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait par exemple de raccourcir les salawat pendant le voyage, ou le fait que le voyageur puisse rompre son jeûne, mathalan, car Allah aime qu'on prenne ses autorisations, cela, ce n'est pas un mal. Cela est permis. Et ils dirent par la suite, quant au fait de prendre l'autorisation en religion, ce fait de prendre la chose la plus facile dans ce qui correspond, dans ce qui coordonne avec les passions de la personne, parmi les fatwas des ulama, alors cela c'est interdit. De prendre une fatwa d'un alim, car te facilite ta vie, et cette fatwa-là s'oppose à un dalil. Cela n'est pas permis. Et qu'il est obligatoire à la personne d'être prudent dans sa religion. Et de s'affranchir des charges religieuses. C'est-à-dire, c'est pas qu'il se débarrasse d'elles, mais il les applique. Et qu'il ne lui provient pas de suivre tout ce que les savants ont autorisé, d'accord, si ce n'est ce qui correspond au dalil du kitab de la sunna. Et que celui qui est ignorant d'un jugement, il demande aux gens du rappel, parmi ceux à qui il a confiance, parmi les ulama et parmi leurs fatawa. Et également, ils disent qu'il ne se permet pas de poser trop de questions à trop de savants afin de pouvoir trouver la plus facile. Il se contente de trouver celle qui est véridique. S'il a trouvé, il s'en contente. Il ne va pas chercher la plus facile au fur et à mesure. Et il citait le fameux Asar de Salaf, mais qui à la base n'a pas de sanad vraiment, mais qui est connu. « Man tatabaa rukhas al-ulama faqad tazandaq » que celui qui suit toutes les permissions des ulama devient un zindiq. Non, et ça c'est un sujet qui est connu. Il y a plein de fatwa parmi les ulama, parmi les anciens et contemporains, mais Inch'Allah cela suffit. Et je précise qu'il n'y a pas de mal à citer un khilaf, une divergence existante lors d'une fatwa, mais que celle-ci, il faut préciser, masalan, que certains avis, des fois on cite la divergence pour justement mettre en compte que cette divergence-là, elle n'est pas mortabara, elle n'est pas à prendre en compte. Les divergences ont été divisées en trois catégories. Il faut connaître cela. T'as un khilaf at-tadad, qui est le khilaf d'opposition. C'est-à-dire un khilaf qui s'oppose à un dalil. On a khilaf tafahum, c'est un khilaf de compréhension, c'est-à-dire on a un même dalil, mais on le comprend de façon différente. Et on a khilaf tanawwa, c'est le fait de diversité, c'est-à-dire qu'on a différents ahadiths qui citent un même fait de différentes façons. Exemple du tadad, dans le hadith masalan, qui est venu dans l'histoire du tayammum, les ablutions sèches, dans le hadith de Ammar ibn Yasir, qui cita qu'il était en voyage avec Omar ibn Khattab radiallahu anhu, et qu'il n'avait pas d'eau. Il n'avait pas d'eau pour faire la salat. Donc, Ammar a fait le tayammum, comme lui l'avait compris à l'époque. Et il a fait salat. Omar, lui, n'a pas fait la salat, car il a dit, il connaît la base, c'est qu'il n'y a pas de salat sans l'eau d'eau. Donc, comme il n'avait pas d'eau, il ne connaissait pas le dalil du tayammum, il ne l'a pas fait. D'accord ? Par la suite, un homme est venu interroger Ammar à propos du tayammum. Et il a cité le hadith. Donc de là, Omar, lui, est resté sur l'avis qu'il n'y a pas de tayammum. Car il n'a pas eu de dalil. Donc maintenant, on va dire, il y a une divergence ou il n'y a pas une divergence ? C'est une divergence. Qui est-ce qui a eu raison ? C'est Ammar. Est-ce que maintenant, quelqu'un demain va prendre l'avis de Omar par rapport au tayammum et dire, moi, s'il n'y a pas d'eau, je n'ai pas de tayammum et je n'ai pas la salat ? On va dire non. Car là, tu as un dalil et la divergence qui a existé, elle a une excuse normale, t'es excusé du fait qu'il n'a pas eu de dalil ou quoi. Cependant, son avis n'est pas pris en compte dans ce sujet-là. Donc ça, c'est une divergence qui s'oppose au dalil. Deuxième exemple, un sujet de khilaf tafahum, dans la compréhension, dans le hadith de l'histoire des Bani Qurayza. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses sahaba, rendez-vous à tel lieu chez les Bani Qurayza et personne ne fait salat, c'est-à-dire du asr, tant que vous n'êtes pas arrivé là-bas. Donc certains ont compris le hadith, c'est-à-dire vous devez vous y rendre au plus vite. C'est-à-dire le as, on le fait à l'heure quand même, mais il faut qu'on fasse très très vite pour se rendre là-bas. Et d'autres sahaba ont fait la salat qu'une fois qu'ils sont arrivés là-bas, et cela était après l'heure. Ils ont senti de l'heure du as pour faire la salat. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il a dit, vous avez eu raison, et vous aussi vous avez eu raison. Car à la base, ils avaient une même parole. Bien que les ulama disent que ceux qui ont raison sont ceux qui ont fait la salat à l'heure, mais qui ont compris qu'il fallait faire vite. D'accord ? Mais comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont son apparent a amené aux deux compréhensions, personne n'a été blâmé pour cela. Donc là, ce sont des sujets à divergence où la divergence elle est permise. Et cela est fréquent dans le fiqh. Beaucoup de divergences sont basées sur ce genre de divergence. Et la troisième, qui est tanawwa, de diversité, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple les afkar après les salawat, certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tu les fais 30 fois. Certains disent 34 fois. Certains disent 10 fois, ainsi de suite. Parce que quelqu'un qui va les faire 10 fois, on va dire non, tu as tort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait faire 30 fois. On va dire non, ça c'est un hadith qui me permet de faire cette chose-là. Et j'ai le choix, si je veux faire 30, je fais 30. Et j'ai le choix, je veux faire 33, je fais 33, ainsi de suite. C'est une divergence dans laquelle tu as le choix entre prendre celle-ci et celle-ci. En réalité, le plus important sont les deux premières formes de divergence. At-tadad wa at-tafahum. Sur lequel beaucoup de gens n'ont pas compris. Et pensent que toute divergence amène à une permission. Car la vérité n'est qu'une. Comme Allah Azza wa Jal, وَمَا ذَبَرْدَ الْحَقِّ إِلَّا ذَلَلِ. Qui est donc utile de la vérité, ce n'est l'égarement. Quand on dit l'égarement là, ça peut être également blâmable, également du fait que tu n'as pas connu la vérité. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ ظَنَّ لَا يُغْنِمْ لِلْحَقِّ شَيْئًا. Que les conjectures, c'est-à-dire ce que tu penses toi, ne surpassent en rien la vérité. La vérité reste la vérité, quoi que tu aies fait. Donc aussi, un autre point que j'aimerais évoquer là, rapidement par rapport à son tahabbut, la confusion qu'il y a dans ses fatawas, et qui l'amène à la contradiction, voici deux fatwas qu'il donne. Et à savoir que ces fatwas, il y en a une, je l'ai coupée juste pour... j'ai fait un bitr, ce qu'on appelle un bitr, pour prendre juste le shahid de son kalam, parce que l'audio est un peu long, je voulais juste sa réponse, celle sur laquelle on va se concentrer. Le reste de son kalam n'est pas sujet à débat. Donc je n'ai coupé qu'à l'essentiel. Mais la coupure que j'ai faite n'altère pas le sens de ses paroles. Qui dit « Je suis un frère qui vit au Maroc depuis quelques mois, alhamdoulilah. J'ai des difficultés pour trouver un travail sans mixité. Mais est-il autorisé de travailler dans un centre d'appel avec un frère salafi où il y a de la mixité, ou alors dois-je multiplier les causes pour trouver un travail qui est en accord avec notre din ? Barakallahu fikoum, cher, qu'Allah vous préserve et vous élève en degré. Tfadal, cher. Si la personne a des causes, on ne va pas lui dire non. Mais pour dire que yani, c'est facile de trouver un travail où il n'y a pas de mixité, c'est presque, ça relève de l'impossible. Ensuite, ce qu'il y a de bien, Allah Ta'ala alam, c'est que quand c'est mixte, hein, c'est beaucoup plus pour l'homme contre la femme. C'est-à-dire qu'à la base, la femme, c'est elle qui est venue se mettre à côté de l'homme et se mélanger à lui et prendre sa place. Car elle, dans le Coran, Allah Ta'ala lui a dit de rester chez elle. Et c'est son mari qui travaille à sa place, ou alors son père, ou alors... Mais maintenant, elle, c'est elle qui est venue, yani, tout zahimou, comme on dit en arabe. Donc c'est elle qui aura des péchés plus que lui, car lui, il doit travailler pour sa famille. Tandis qu'elle, c'est son mari qui va travailler pour elle. Donc c'est pour cela que je dis, à la base, il faut, inshallah ta'ala, faire des efforts pour, si c'est possible, et tu sais qu'il y a des endroits où on peut travailler sans être mixte. Yani, Allahumma barak. Ensuite, s'il n'y a pas et que la personne va travailler, pas avec une femme, yani, en train de discuter du matin au soir. J'ai mon endroit, ou là mon bureau, ou là mon travail, ou là, femme. Je ne vais pas, moi, passer mon temps à lui parler ou bien à discuter avec elle. Ça, c'est dans le cas où je suis dans la mixité et que je n'ai pas d'autre solution. Sinon, celui qui travaille yani, dans un endroit où ce n'est pas mixte, c'est comme on dit, la perfection. Tfadlal. Dernière question, c'est une question d'une sœur convertie, Naam, qui demande, voilà, elle demande, je suis une convertie depuis 6 ans, je suis le minhaj salafi depuis quelques mois, alhamdoulilah, mais je vis seule et travaille dans un lieu de mixte où je suis amenée à me dévoiler, je fais les causes pour me marier, mais je n'ai pas de proposition, il me faut payer mon loyer et je vais rendre mon logement bientôt. Je veux faire la hijra, mais je n'ai pas encore les économies nécessaires. Quelles sont les conditions qui s'offrent à moi, les possibilités qui s'offrent à moi? Je vais vous dire, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Donc elle demande quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle, avec tout ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire par possibilité? D'après moi, je pense qu'elle doit parler par rapport à son travail, qu'elle doit enlever son voile, qu'est-ce qu'elle doit faire, est-ce qu'elle doit rester à ce travail-là ou pas, car on a le loyer à payer, ainsi de suite. Mais j'attends la confirmation, Inch'Allah. Donc si on peut répondre, non, que c'est exactement ça, elle me dit c'est exactement ça, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire, puisqu'elle doit enlever son voile, et qu'elle travaille, et que si elle ne travaille pas, elle n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, sans réfléchir. Si maintenant elle sait qu'en arrêtant le travail, qu'elle aura, yani, une rentrée d'argent. Là, si elle sait qu'en arrêtant, elle peut avoir une rentrée d'argent pour pouvoir vivre le temps que Allah subhanahu wa ta'ala yani, lui envoie quelqu'un pour qu'elle se marie, elle arrête pour s'éloigner de la mixité et du fait qu'elle ne soit pas couverte. Maintenant, s'il n'y a pas d'autre moyen et qu'elle doit travailler, il n'y a pas d'autre solution qu'elle travaille jusqu'à ce que Inch'Allah ta'ala la fasse une solution, dans ce cas, qu'elle essaie de se voiler au maximum. De se voiler au maximum. Sans être obligé, par exemple, de mettre yani, un djilbab, mais de commencer à se voiler, comment cacher les cheveux, comment s'habiller d'une façon, de quelque chose qui soit large, par exemple, et qui descend jusqu'en bas, qui cache tout, et qui ne montre pas la forme du corps, et comme ça. Hein, trouver comment se voiler d'une façon qui n'est pas interdite, qui n'est pas interdite dans le travail. Car il y a des façons de se voiler. La meilleure façon, c'est le djilbab, ensuite vient le baya, hijab, et comme ça. Mais il y a toujours un moyen de se voiler. Il y a toujours comment, comme a dit Allah Ta'ala, fattaqullah ma stata'tum. Comment craindre Allah subhanahu wa ta'ala autant que je puisse. Quand on écoute bien l'audio, il connaît le jugement de base qui est l'interdiction de la mixité au travail, mais vous voyez encore qu'il veut trouver une issue favorable au questionnaire. Et on voit Gazalik qu'il ignore tout à fait quelles sont les normes de la daroura. La daroura, celle qui rend les choses permises, les choses interdites qui les rend permises dans certains cas précis. D'accord ? Ce n'est pas tout le temps. Et elle a des règles. Cette daroura, elle a des règles. Et cet homme-là, ces règles-là, ne les connaît pas, ne les maîtrise pas. Et cette daroura a été définie par les ulama comme étant que la personne craigne pour sa vie, pour son honneur, c'est-à-dire les gens de sa famille, qui leur arrive du mal, un mal réel, concret, d'accord ? Ou qu'il craigne pour ses biens, qu'ils ne soient perdus, qu'ils ne soient détruits réellement, une chose qu'il ne pourra supporter. D'accord ? Donc ne pas travailler, ça peut être une cause de pauvreté. La pauvreté en soi, ce n'est pas une cause de daroura. Les sahabas ont connu cela, ce n'est pas une chose qui leur a rendu permis le fait de faire du haram, pour autant. Donc on rappelle que le travail, c'est un moyen permis et non un but en soi. Qui est dans la qaïda, « An al-wasa'il la hukm al-maqasid ». Al-wasa'il la hukm al-maqasid. C'est-à-dire que les moyens prennent le jugement de l'objectif à atteindre. Si ton objectif à atteindre est obligatoire, ce moyen que tu n'as pas le choix devient obligatoire. Si ce moyen que tu emploies amène à haram, ce moyen qui à la base est permis devient haram et ainsi de suite. Et ce travail, en religion, s'applique sur lui-même les règles. Al-arkam, al-shad'iyya, c'est-à-dire ce travail que tu vas faire, lui-même est soumis aux règles du djinn. Il peut être haram, il peut être mustahab, il peut être mubah, et ainsi de suite. Ça dépend du travail que tu fais. Donc le travail lui-même ne rend pas tout permis de fait pour travailler, je fais tout ce que je veux. Et le problème chez ces gens, comme nous l'avons cité au début, c'est qu'ils répondent à toutes les questions. Et des questions qui ne leur reviennent pas. Donc il est tout à son honneur de dire Allahu A'lam. Il peut dire Allahu A'lam. Je me contente de ne répondre qu'aux questions liées au cours que je donne, ou à certaines règles de fiqh de base faciles. Ou des choses dont je suis sûr que j'ai le dalil avec moi. Car Kazalik dans ses fatawa, écoutez bien, il ne sait pas de dalil quasiment. Il dit « je dis » et il dit « il est permis, kaza, il est permis, kaza » et ainsi de suite. Dalil, on n'entend pas. Quand Allah Ta'ala, on n'entend pas. Le tafsir du verset, on n'entend pas. Quand le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, le hadith, on n'entend pas. Le hadith, il veut dire telle chose, on n'entend pas. Des réponses qui viennent de lui-même. On ne dit pas que le dalil ne le connaît pas. Il se peut qu'il le connaisse sur le moment, c'est un mufti, sur le moment, il ne cite pas le dalil. Ce n'est pas obligatoire, non. Mais là, tu es dans un maqam, tu enseignes aux gens, donne-leur le dalil. Et souvent, on te demande le dalil dans les questions. Et le dalil, on ne l'entend pas par la suite. Malheureusement. Deuxième chose, par rapport à ces deux audios, voyez le tanakod, la contradiction, que dire que le haram est plus grand sur la femme qui va travailler dans la mixité, la femme qui va travailler dans la mixité, elle endosse plus de péchés. D'accord ? Et après, dans la fatwa de cette femme convertie, il rend permis à cette femme d'aller travailler dans la mixité. Donc on tourne en rond, c'est un cercle vicieux. Tu dis que les femmes, ce sont elles, tu zahim rijal. Et après ça, tu permets aux femmes d'aller travailler chez les hommes, au milieu des hommes. Donc, il est où le mahraj ? Il n'y a pas de mahraj. On n'en sort jamais. Et également, il faut savoir une chose. Pourquoi il ne cite pas qu'il y a des travail pour femmes sans mixité ? La femme, elle peut être nourrice. La femme, elle peut être femme de ménage à des heures. Elle a les clés de l'appartement d'une personne. Elle fait le ménage. Elle s'en va, il n'y a personne avec elle. Elle peut être aider les femmes âgées dans leur maison, tant qu'il n'y a pas de haram dans la maison. Prendre une femme âgée à la charge et aller dans sa maison, à faire les tâches ménagères. Il y a des issues. Pourquoi tout de suite il vient à la solution qui est de faire du haram? Pourquoi ne pas trouver, tu veux aider une sœur, trouver du halal? Donc là, il rentre dans les sujets de daroura et on déconseille très fortement à ce tchalabi de s'y aventurer. Chose qui montre qu'il a très peu de warar. Comme on a dit au début, c'est quoi warar? De délaisser des choses en cette dunya qui pourront tenir dans l'akhira. Cet homme-là, il a quillet al-warar. Ala yazwar tamaman min fatawa. Donc des gens pourraient dire, tchalabi, ijtahada, ils prennent le hadith, ou ils disent, ijtahada al-hakim. Taman, il est ijtahad al-hakim, wa asaf falahu ajran, wa iza akhta falahu ajr. que si jamais le juge, c'est-à-dire là c'est le alim, le mujtahid qui remplit les conditions de l'ijtihad, qui ne sont pas présents chez Al-Chalabi, ils disent, si jamais il fait un jugement qu'il a raison, il a deux récompenses. S'il se trompe, il n'a que récompense. On dit naam, mais Al-Chalabi ne parle pas de ce hadith-là. Ce hadith-là concerne qui ? Concerne le mujtahid, celui qui remplit les conditions de l'ijtihad. Ce n'est pas pour tout le monde d'agir de la sorte. Alors que celui qui n'est pas mujtahid, qui se trompe, il n'a pas de récompense. Voire pire que cela, il a le péché. Comme a dit Ta'ala, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَمِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُدِلُّونَ بِغَيْرِ الْعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Qu'ils portent leur fardeau complet le jour du jugement, et une partie du fardeau de ceux qu'ils auront égaré sans science. Et quelle mauvaise chose qu'ils transportent. C'est-à-dire celui qui trompe les gens, et qui n'est pas apte à faire cela, qui n'est pas ijtihad, il aura son péché à lui, et une partie du péché de ceux qui sont trompés. وقال تعالى وإن كثيرا يدلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Que beaucoup de gens égarent les gens avec leur passion et sans science, et que ton Seigneur certes est parfaitement connaisseur des gens qui sont outrepasseurs. Donc on rappelle aux gens, répondre aux questions ce n'est pas un quiz auquel on doit répondre. Si on a dit juste, on a gagné. Si on se trompe, tant pis, l'essentiel c'est de participer. Les fatawas, c'est un sujet qui est khatir. C'est une immense responsabilité dont il faut mesurer les conséquences en cette dunya, surtout fil akhirah. Donc on conseille à Mohamed Chalabi de ne pas endosser une charge au-dessus de ses capacités. Allah ne te l'a pas imposé. Et voire pire, il te l'a interdit. Parler en religion sans ilm amène à la perte. Allah Musta'an, ça a été plus long que ce que j'aurais voulu que ce que je souhaitais. Il y a quelques autres fatawas que j'aurais bien aimé et en débattre. Mais là, Inch'Allah, pour ne pas trop allonger, on fera Inch'Allah une deuxième partie, un deuxième audio, dans lequel on parlera. Dans lequel on démontrera encore la faiblesse la faiblesse de cet homme dans le domaine des fatawa et que cela n'est pas de son ressort. Fabien Delcord de Naktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Rectification de ce que j'ai dit par rapport à l'histoire de Tayammum avec Ammar et Omar, il s'agit du Tayammum depuis la janab, l'état de l'impureté majeure. C'est ça que Omar ne voyait pas. Donc, je rectifie ici. Car sur l'audio, je ne peux pas rectifier. Je rectifie ici, j'ajoute cela, que Omar ne voyait pas le tayammum depuis la janaba, et non pas le tayammum tout court, de la salat. En étant d'impureté mineure, il le voyait, mais pas pour la janaba.